deux ou trois noms sur un écran. C'est le passé qui ressurgit. Un petit message bien vite écrit. Tu te souviens, il y a longtemps, se retrouvera peut-être. On se raconte des souvenirs plus près. Tu te souviens de Pierre-Paul, de Lulu. Sais-tu ce qu'ils sont devenus? On était les copains avant, mais le temps passe évidemment. Tu te souviens, c'était le bon temps, mais le temps passe rapidement. Il faut vraiment que l'on se revoie pour se parler du bon vieux temps. On le fait chez toi ou bien chez moi. Où rendez-vous au restaurant? Est-ce que l'on va se reconnaître? A-t-on beaucoup changé peut-être? Quelques cheveux gris ou au moins, surtout un peu plus dans mon poing. On était les copains avant, mais le temps passe évidemment. Tu te souviens, c'était bon temps, mais le temps passe rapidement. Depuis tout ce temps passé, aura-t-on des choses à se dire? Sûrement deux, trois banalités, ou mieux quelques souvenirs. Laisse-moi ton téléphone, je te rappelle sans faute. Puis les jours passent comme les années. On ne s'est pas vu depuis l'éternité. Était-on vraiment